sont au fond du sac et empestent la rue. Y'a des lombris qui glissent le long de ses cuisses et des petits chiens qui pissent dans la bouche d'Alice. Les restes de mémé pourrissent dans la poubelle. Ils sont au fond du sac et empestent la rue. Y'a des lombris qui glissent le long de ses cuisses et des petits chiens qui pissent.